de miel sur moi. Voilà. Mais bon, fuck. Hey, on l'a fait à l'arrière de la Benz. Hey, à ce moment-là, je misais sur toi, je pensais que t'allais devenir ma babe. Hey, mais bon, je me suis trompé, on dit que l'erreur est humaine. J'avais faux sur toute la ligne, sur toi j'ai dû tirer un trait. Ouais, sur toi j'ai dû tirer un trait. Bitch, switch, c'est fini. T'es un pain que j'ai pris pour moi lundi. Ouais, ça m'a pris du temps, mais j'ai compris. Tout ce que j'ai fait pour toi, j'étais ravi. Ouais, j'avoue, j'suis touché, mais j'fais. Ouais, j'avoue, j'suis touché, mais j'fais crari. On m'avait montré, j'étais dans le déni. Bref, hey. Ok, listen to me. Baby, you should have stayed with me. Pensais que you were the one for me. Girl, non, jamais. Maintenant j'y repense toutes les nuits. C'est dans ma tête. J'ai mes raisons, maintenant je te fuis. I don't understand, baby. C'était pas peur, c'est la paix. Là maintenant je m'en vais. T'as tout perdu. C'était pas peur, c'est la paix. Mon avenir s'effacer en slow-mo. C'était pas en faire, la paire. Fuck. Yeah. Mon numéro supprimé, maintenant c'est Jess 31, Jess, j't'ai oublié. Viens pas faire semblant, j'viens prendre mon pull. Je sais très bien, c'est pour niquer. Photo notre dossier, j'ai retiré. Mon argent, tu pourras un peu soutirer. J'ai vu ton appel, j'ai soupiré. Hey, switch. J't'ai croisé dans les memories. Ça fait mal, mais bon, je les regarde quand même. Des flashbacks de ton corps. T'es une frappe, mais bon, tu m'énerves quand même. Je me console ces jours de paye. Mais je suis éteint, donc j'ai de la peine quand même. Ouais, j'ai de la peine quand même. Bref, hey. Ok, listen to me. Baby, you should have stayed with me. Pensais que you were the one for me. Girl, non, jamais. Maintenant, j'y repense toutes les nuits. C'est dans ma tête. J'ai mes raisons, maintenant, je te fuis. I don't understand, baby. C'était pas peur, c'est la paix. Là maintenant je m'en vais, t'as tout perdu. C'était pas peur, c'est la paix. Mon avenir s'effacer en slow-mo. C'était pas peur, c'est la paix.